Chapitre 7e. Langlois était sorti, le cas n'était pas rare. Un peu contrarié, car il avait fait une énorme provision d'éloquence, Marcel Brun allait se retirer quand il s'entendit appeler. Il leva la tête en la tournant un peu à droite, et dans l'encadrement d'une fenêtre, il aperçut sa propre femme, Herminie Brun, qui lui faisait signe d'entrer. Il obéit, monta quelques marches, et entra dans un joli petit salon élégamment orné de cretonne claire, plein de plantes vertes et de ces petits meubles modernes qui trahissent à 6 mois après l'époque des noces d'une nouvelle mariée. Il y a des jardinières et des coffrets qui ne vivent qu'un jour. C'est toujours cela qu'un ami bien intentionné choisit, sans le savoir, pour offrir à un jeune couple. Les bibelots de Madame Langlois n'avaient pas encore 1 an d'existence. La jeune femme était couchée sur un canapé. Un ouvrage, un crochet de laine à large maille, abandonné sur ses genoux, avait roulé par terre et était devenu la proie d'un jeune chat qui s'y ébattait de tout son cœur. Herminie et Madame Langlois, absorbées dans leur conversation au point de n'y pas prendre garde, accueillirent Marcel par un geste précipité qui signifiait « Entrez vite ». Le petit chat s'arrêta court et, couché sur le dos, le peloton de laine entre ses 2 pattes de devant, regarda l'intrus d'un air interrogateur, puis, jugeant à sa physionomie que celui-là ne troublerait point ses plaisirs innocents, il reprit ses jeux avec une ardeur nouvelle. « Eh bien ?» fit Madame Brun en arrêtant sur son époux ses beaux yeux noirs fort vifs. « Quoi ?» répondit celui-ci avec la naïveté ordinaire en pareil cas. « Juste André ?» repartit la dame avec un mouvement d'impatience, comme si l'on ne pouvait parler d'autre chose ce jour-là. « Je ne l'ai pas vu. » répliqua Brun d'un air grave, en posant son chapeau sur un meuble. Il s'assit auprès de Madame Langlois, lui demanda de ses nouvelles, s'aperçut des dégâts commis par le chaton, ramassa l'ouvrage, ressaisit le peloton, fulmina contre l'animal, qui s'enfuit d'abord et un instant après lui grimpa aux jambes, et enfin permit à sa bouillante moitié de prendre la parole, dont elle se servit sur le champ, pour lui adresser une volée de reproches sur sa paresse et son indifférence. « Vous saurez au moins de quoi il s'agit, » dit Brun à Madame Langlois, avec la philosophie d'un mari pour lequel ses apostrophes ne sont plus des surprises. La jeune femme sourit d'un air énigmatique, triomphant et embarrassé à la fois. Marcel la regarda plus attentivement et comprit vaguement qu'elle en savait beaucoup plus qu'il ne lui plaisait de le dire. Dès lors, il résolut de faire cause commune avec elle contre les envahissements de Madame Brun dans la vie privée des habitants de Chartres. « Fais-moi le plaisir, » dit-il d'un ton posé, quand Herminie s'arrêta, « de me dire quel dommage tu ressens, dans ta personne ou tes intérêts, des visites que juste peux faire ou ne pas faire dans la ville basse ou haute, ou même ailleurs. » Madame Brun, stupéfaite, regarda son mari dans le blanc des yeux. « Et l'amitié, qu'en faisons-nous » dit-elle du ton d'une froide indignation. Brun se secoua, comme on le fait quand il neige et qu'on rentre chez soi. « L'amitié d'un côté, dit-il, et les commérages de l'autre. Pour le moment, Herminie, si tu me permets de te parler franchement, tu ne me parais pas absolument du côté de l'amitié. » Madame Brun regarda son mari plus fixement que jamais et d'un bond sauta jusqu'à la porte. « C'est ainsi, dit-elle, je m'en vais. » Le chat, effarouché, s'arrêta au milieu du salon, faisant le gros dos, la queue en l'air. Elle était partie. Il laissa son poil revenir à un état plus paisible et s'assit, le museau tourné vers la porte, d'un air profondément méditatif. « Minet se demande ce que cela veut dire, » fit Brun, en souriant à Madame Langlois. « C'est encore un jeune chat, peu versé dans les mystères du cœur humain. Mais il apprendra, avec le temps, tout ce qu'il doit savoir, absolument comme un homme. « Vous m'avez l'air, madame, d'être instruite des motifs qui poussèrent Minet à me couvrir d'opprobre en votre présence. » La jeune femme se mit à rire. Elle est fort irritée contre M. André. Il s'est, paraît-il, permis de lier connaissance avec une dame qui demeure. « Oui, je sais. » fit Brun avec un signe de tête plein de sagacité. Madame Langlois se mit sur son séant et le regarda. « Vous savez qu'il va voir Rose Rosier, » dit-elle, les yeux grands ouverts d'étonnement. Ce fut au tour de Marcel de la contempler, bouche béante. « Rose ?» commença-t-il, et il resta muet, n'y comprenant plus rien. « Claire ?» ennuyé de son étourderie, s'assit au bord du canapé, chercha son crochet, le piqua dans l'ouvrage et travailla une demi-seconde avec une attention profonde. après quoi elle leva vers le visiteur son joli visage enfantin, couvert de rougeur et de confusion. « C'était bien la peine, » dit-elle avec une nuance d'humeur, « de garder un secret pendant plus de 3 semaines pour le trahir bêtement comme une pensionnaire. J'étais si fière d'être seule à le savoir et de n'en rien laisser deviner. »« Consolez-vous, » répondit Marcel avec cette bonté toujours en éveil, qui était le trait distinctif de son caractère. Ce n'était plus un secret, puisqu'on en avait parlé à ma femme. Un soupir étouffé acheva la pensée du digne homme. « Mais vous ne saviez pas ce que c'était Rose Rosier, » rétorqua Madame Langlois. « Au fait, je ne sais pas pour comment Marie ne vous a pas dit qu'il l'a soignée et guérie. »« Guérie ?» fit Marcel. « C'est stupéfiant. Je n'y suis pas du tout. Pourquoi Langlois m'a-t-il caché cela ? Je ne vois pas. » « C'est peut-être à cause de Madame Brun, » dit malicieusement la jolie blonde. Marcel, vexé, eut envie de se fâcher et ne put en venir à bout, tant les yeux d'enfant de Claire étaient remplis de gaieté sans fiel. Il se mit à rire avec elle. « Elle est jalouse, Madame Brun, » continua la jeune femme. « Elle est jalouse de vous. Vous avez été amoureux de Rose. Moi ?» s'écria Marcel en rougissant comme un écolier surpris dans la lecture de son premier roman. « Parfaitement. » Mon mari avait peur de ranimer un feu si dangereux et c'est André qui l'a conduit chez elle, de mieux en mieux. Mais il savait, vous saviez, tout le monde savait que Juste était amoureux de cette personne, s'était jeté en pâture. Afin de vous sauver, cher monsieur Brun, riposta Claire en riant. Elle était ravie de pouvoir taquiner l'excellent homme qui ne riait qu'à moitié. Alors tout le monde m'a trompé, dit-il avec une pointe d'amertume. Pas vous. Tout le monde a voulu tromper Madame Brun. Voyons, est-il vrai ou non qu'elle était jalouse de Mademoiselle Rosier ? Oui, répondit franchement Marcel, encore ému au souvenir des bourrasques conjugales. Eh bien, nous avons agi sagement. Et maintenant, il faut continuer à lui tenir secret le véritable nom de la dame. Personne n'y songe ici, jusqu'au jour où celle-ci retournera à Paris ou ailleurs. Oui, dit Marcel en réfléchissant. Après un silence, il ajouta « C'est égal, il faut que je la voie. C'est trop curieux, trop. » Claire battit des mains. « Délicieux. Vous en voilà plus épris que jamais. Tout le monde y passera. Allez, cher monsieur Brun, je ne le dirai pas à votre femme. Vous me le jurez. Je vous le jure. » répondit-elle en éclatant de rire. « Qui se serait douté que je protégerais vos errements ? Quelle complicité ! » !»« Celle du silence seulement, » fit observer Brun en se levant. « Casuiste !» répliqua Madame Langlois en la menaçant du doigt. « Allez faire votre paix avec Madame Brun, sans quoi vous ne saurez point l'adresse de Rose Rosier. »« J'y vole, » dit-il, « mais pour l'adresse, je la saurai sans vous. » Et en effet, il s'envola vers son domicile, où il n'eut point de peine à convaincre son épouse qu'il allait effroyablement gronder juste André.